بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Bienvenue à tous. أهلا وسهلا وَمَرْحَبًا بِكُمْ جَمِيعًا حَيَّكُمُ اللَّهُ. Donc comme cela a été annoncé, nous allons commencer à partir d'aujourd'hui l'étude du livre « Les trois fondements » de l'auteur Cheikh al-Islam Mohammed Ibn Abdel Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et avant de commencer l'explication du livre, il est bon de faire une petite introduction pour se rappeler l'importance d'étudier la science. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Il dit selon la traduction: celui qui était mort, que nous ramenons à la vie et que nous dotons d'une lumière pour cheminer parmi les hommes, est-il semblable à celui qui erre dans les ténèbres sans pouvoir en sortir? Ainsi a-t-on enjolivé leurs œuvres aux yeux des mécréants. Et donc cette lumière qu'Allah a mentionnée dans ce verset, c'est la science, comme l'ont mentionné certains savants. Car la science est une lumière qui permet à ses adeptes d'avancer avec clairvoyance et de distinguer le vrai du faux. Comment peut-on distinguer le tawhid du shirk, la sunna de l'innovation, la bonne croyance de la mauvaise, la droiture de l'égarement, si ce n'est par la science? Et ceci nous montre l'importance de la science, et que le musulman se doit d'étudier la science et faire beaucoup d'efforts dans son acquisition. Et la science la plus importante, sans aucun doute, c'est le tawhid, car le tawhid est la base sur laquelle repose cette religion. Et sans cette base, le musulman ne tient sur rien. Et c'est pour cela que nous allons commencer cette série de cours par l'étude de cette épître concise mais riche en informations sur le tawhid. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter dans cette tâche et de nous donner la sincérité. Donc l'auteur, il dit Bismillahirrahmanirrahim. I'alam rahimakallah annahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masail. Al-oula al-ilm wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam wa ma'rifatu dini l'islam bil adillah. Al-thaniyah al-amalu bih. Al-thalifah al-da'watu ilayh. Al-rabi'ah al-sabru ala al-adha fih. والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Donc l'auteur, il dit au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est obligatoire pour nous d'apprendre quatre choses. La première est la science, qui est la connaissance d'Allah, la connaissance de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la connaissance de la religion de l'islam avec l'épreuve. La deuxième est sa mise en pratique. La troisième est d'y inviter les gens. Et la quatrième est de patienter en cas de persécution due à cet appel. La preuve réside dans la parole d'Allah, selon la traduction, par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient, font de bonnes œuvres, se recommande la vérité et se recommande l'endurance. Donc l'auteur a commencé cette épître par la basmala. Et la basmala, c'est le fait de dire Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et l'auteur a commencé par la basmala pour quatre raisons. La première raison, c'est pour prendre exemple sur le Coran. Car toutes les sourates du Coran débutent par la basmala. Sauf sourate At-Tawba, sourate le repentir. Et ici la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi sourate At-Tawba ne commence pas par la basmala, alors que les autres sourates commencent par la basmala. Et la réponse à cette question, c'est que l'avis le plus connu est que surat al-Anfal, qu'on traduit par le butin, qui est la sourate numéro 8, et surat al-Tawba, qu'on traduit par le repentir, qui est la sourate numéro 9, ne sont qu'une seule et même sourate. C'est pour cela que sourate At-Tawba ne commence pas par la basmala. Et cet avis est certes le plus connu. Donc la première raison pour laquelle l'auteur il a commencé son épître par la basmala, c'est pour prendre exemple sur le Coran. La deuxième raison, pour prendre exemple sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait ses paroles et ses lettres par la basmala. Comme lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé une lettre à Héraclius, l'empereur romain. C'est pour cela que les savants ont dit que commencer par la basmala est une sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les savants vont même plus loin. Ils nous disent que commencer par la basmala est une sunna chez les prophètes en général. Et la preuve de cela réside dans le verset 29 de sourate An-Naml, de sourate les fourmis. Allah subhanahu wa ta'ala dit: قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Ô notable, une noble lettre m'a été lancée. Elle vient de Suleyman, et c'est au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Donc ici, Allah nous dit que le prophète Suleyman, alayhi salam, lorsqu'il a envoyé une lettre à la reine de Saba, il a commencé par la basmala. Et c'est sur ce verset que les savants se sont basés pour dire que ceci est une sunna chez l'ensemble des prophètes. Donc la deuxième raison qui a poussé l'auteur à commencer par la basmala, c'est pour prendre exemple sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La troisième raison, c'est pour demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'achèvement de ce livre. Et la quatrième raison, c'est pour qu'Allah mette la bénédiction dans ce livre. Donc on récapitule, premièrement, c'est pour prendre exemple sur le Coran. Deuxièmement, pour prendre exemple sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, pour demander l'aide d'Allah. Et quatrièmement, pour qu'Allah bénisse ce livre. Ensuite, l'auteur, il dit « Sache qu'Allah te fasse miséricorde ». Donc lorsqu'il dit « Sache », ceci est un procédé qui est beaucoup utilisé dans le Coran. C'est-à-dire commencer la phrase par « sache ». Et la question qu'on peut se poser ici est à quoi sert ce procédé ? Car c'est un procédé qu'on voit souvent. On voit souvent ce procédé dans le Coran. Donc il est bon de se demander à quoi sert ce procédé. Et la réponse à cela, l'éminent savant Al-Hafidh Al-Hakami, il dit dans son livre intitulé Ma'arij Al-Qabul, selon le sens, je cite, c'est pour montrer l'importance de ce qui va suivre et pour que la personne y prête attention, fin de citation. Et c'est pour cela que lorsque ce procédé est employé dans le Coran, ce qui suit est d'une haute importance. Et souvent, ce qui vient après le mot « sache », c'est le tawhid. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Muhammad « Fa'alam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat » Allah, il dit, selon la traduction, « Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité, digne d'adoration, si ce n'est Allah, et implore le pardon pour ton péché. » Et donc l'auteur veut par ce procédé attirer notre attention et nous montrer l'importance de ce qui va suivre. Ensuite, l'auteur dit qu'Allah te fasse miséricorde. Et ceci est une invocation pour le lecteur. Et ceci nous montre que l'auteur est doux et miséricordieux. Et cette caractéristique, la douceur et la miséricorde, est une caractéristique des savants de la sunna. Ne vois-tu pas que souvent, au début de leur livre, ils invoquent pour les gens, comme l'a fait l'auteur lui-même dans beaucoup de ses livres. Il dit par exemple, dans son épître intitulé « Les quatre règles », il dit, je cite, « Je demande à Allah, le très généreux, Seigneur du trône immense, de te prendre pour allié ici-bas et dans l'au-delà, de te bénir où que tu sois, et qu'il te place parmi ceux qui remercient lorsqu'on leur donne, patiente lorsqu'ils sont éprouvés, et implorent le pardon d'Allah lorsqu'ils commettent un péché. » Fin de citation. C'est pour cela que tu trouveras que les gens de la sunna ont le plus de miséricorde envers les gens. Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit à ce sujet, dans son livre intitulé « Manhaj Sunna » selon le sens, « Les gens de la Sunna sont plus savants de la vérité et plus miséricordieux envers les gens. » Et la douceur et la miséricorde, Ikhwani Fillah, était aussi l'une des caractéristiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la preuve de cela réside dans le verset 128 de Sourate At-Tawba. Allah dit: Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim. Et ce verset nous montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était doux et miséricordieux. Et les compagnons avaient aussi cette caractéristique. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate Al-Fath, Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashiddahu 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad est le messager d'Allah. Et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Et même ceux qui ont suivi les autres prophètes avaient cette caractéristique. Ils étaient doux et miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos des suiveurs de Isa ibn Maryam alayhi salam dans Sourate Al-Hadid: ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. Allah dit selon le sens, ensuite sur leurs traces, nous avons fait suivre nos autres messagers et nous les avons fait suivre de Isa, fils de Maryam, et lui avons apporté l'évangile et mis dans le cœur de ceux qui le suivent douceur et mansuétude. Et toutes ces preuves nous montrent qu'il faut être doux et miséricordieux. Mais il est bon de mentionner que ceci est la base, c'est-à-dire c'est qu'il faut faire preuve de douceur avec les gens. Mais dans certains cas, on peut utiliser la dureté avec celui qui mérite la dureté. En effet, certains méritent la dureté. Et ça ne fait pas partie de la sagesse d'être doux à leur égard, surtout si la douceur ne leur sera pas profitable. Et dans certains versets, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à son prophète d'être dur avec certaines personnes. Il dit par exemple dans le verset 73 de Sourate At-Tawba: Ya ayyuha an-nabi jahid al-kuffar wal-munafiqin waghluz 'alayhim. Il dit selon le sens au prophète: mène la lutte contre les mécréants et les hypocrites et sois rude à leur égard. Et les pieux prédécesseurs étaient durs avec les innovateurs, car les innovateurs ont contredit le Coran et la Sunna et ont été la cause de nombreux troubles. C'est pour cela qu'il fait partie de la voie des pieux prédécesseurs le boycott des gens de l'innovation. Mais cette dureté, Ikhwani Fillah, en vérité, cette dureté envers eux est une miséricorde, car le but de cela, c'est qu'ils reviennent à la vérité. Mais comme on l'a dit précédemment, la base, c'est la douceur. Car si la personne, elle fait toujours preuve de dureté, les gens le fuiront. Et c'est d'ailleurs ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit à notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme il est mentionné dans le verset 159 de Sourate Ali Imran. Allah dit: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Allah, il dit selon la traduction, c'est par une miséricorde d'Allah que tu as été si doux avec eux. Si tu avais été rude au cœur dur, il se serait enfui de toi. Surtout que la douceur, en règle générale, porte plus ses fruits que la dureté. Ya Aisha, inna Allah rafiqun yuhibbu rifq wa yu'ti ala rifq ma la yu'ti ala al-unf. Rawahu Muslim. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit un jour à son épouse Aisha, ô Aisha, Allah est doux et il aime la douceur. Et il donne pour la douceur ce qu'il ne donne pas pour la dureté. Et le hadith est rapporté par l'imam Muslim. Ensuite, l'auteur, il dit, sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est obligatoire pour nous d'apprendre quatre choses. La première est la science, qui est la connaissance d'Allah, la connaissance de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et la connaissance de la religion, de l'islam, avec ses preuves. La deuxième est sa mise en pratique, la troisième est d'y inviter les gens, et la quatrième est de patienter en cas de persécution due à cet appel. Donc premièrement, l'auteur, il a mentionné la science. Et ici, l'auteur, il a utilisé un procédé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait dans sa sunna. Et ce procédé, ikhwani fillah, c'est le fait de mentionner une chose de manière générale, ensuite de la détailler. Regardez ici, l'auteur, il a mentionné ces quatre choses d'une manière générale. Il a dit, sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est obligatoire pour nous d'apprendre quatre choses. Donc là, il a mentionné ces choses d'une manière générale. Il a dit qu'il y a quatre choses à savoir. Puis ensuite, l'auteur, il les a détaillées. Il a dit donc le premier point, la science. Le deuxième point, la mise en pratique. Le troisième point est d'y inviter les gens. Et le quatrième est de patienter en cas de persécution due à cet appel. Et ceci est un procédé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait dans sa sunna. La preuve à cela est le hadith d'Abu Huraira. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ayatul munafiqi thalath, idha haddatha kadhaba, wa idha wa'ada akhlafa, wa idha tumina khan. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit selon le sens, les signes de l'hypocrite sont au nombre de trois. Donc ici, il a mentionné d'une manière générale. Ensuite, il dit, lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il promet, il ne tient pas sa promesse. Et lorsqu'on lui fait confiance, il trahit. Donc là, ensuite, il a mentionné d'une manière détaillée. Et ici, Juan et Filla, il est bon de s'arrêter un moment. Car on voit, depuis le début de cette épître, que l'auteur, il donne une grande importance au procédé qui se trouve dans le Coran et dans la Sunna. Car il a commencé son livre par le mot « sache ». Et le fait de commencer la phrase par « sache » est un procédé qui est mentionné dans le Coran. Ensuite, il a mentionné une chose de manière générale, ensuite de manière détaillée. Et ce procédé aussi est pris de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est une indication claire que l'auteur donne beaucoup d'importance au Coran et à la sunna. Ces informations, ce qu'il dit dans ses livres, sont tirés du Coran et la Sunna. Même dans les procédés qu'il utilise, il utilise les procédés du Coran et de la Sunna. Et celui qui a l'habitude de lire les livres de cet imam, Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab, il comprendra et verra qu'il donnait beaucoup d'importance au Coran et à la Sunna. Il ne mentionnait pas des choses de sa tête, comme le font certains, mais plutôt, il se basait toujours sur le Coran et la Sunna du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc il dit la première est la science. En ce qui concerne la science, les savants ont mentionné plusieurs définitions. Mais la définition choisie ici, c'est la définition d'Ibn al-Qayyim. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Selon Ibn al-Qayyim, la science, c'est la connaissance de la guider avec sa preuve. Selon Ibn al-Qayyim, alayhi rahmatullah, la science, c'est la connaissance de la guider avec sa preuve. Et la question que l'on peut se poser est en combien se divise la science ? En combien se divise la science ? Et les savants, toujours, ils ont mentionné plusieurs classifications de la science. Mais la classification qu'on a choisie dans ce cours, c'est la classification qu'a mentionné le grand savant Ibn Rajab dans son livre intitulé Fadl ilm al-salaf ala ilm al-khalaf. Et il mentionne dans son livre Ibn Rajab que la science se divise en deux catégories. La science se divise en deux catégories. Car Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge de la science à certains moments. Et l'a blâmé à d'autres. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 28 de Sourate Fatir, Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Allah subhanahu wa ta'ala, ici dans ce verset, il fait l'éloge de la science et des savants. Car il dit selon la traduction, parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc dans ce verset, il fait l'éloge de la science et des savants. Et dans d'autres versets, Allah subhanahu wa ta'ala blâme certaines personnes qui ont une certaine science. Prenons par exemple le verset 102 de Surat al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum » Il dit, selon le sens, « Et les gens apprennent ce qui leur nuit et ne leur est pas profitable. » Et ce qui est voulu ici, c'est la sorcellerie. Donc dans le premier verset qu'on a mentionné, le verset 28 de Sourate Fatir, « Innama yakhsha Allah min ibadi l'ulama » Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Ici, c'est la science profitable. Et c'est la première catégorie. Et dans le deuxième verset qu'on a mentionné, le verset 102 de Sourate Al-Baqarah, وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ C'est la science qui n'est pas profitable. C'est la science qui n'est pas profitable. Et nous avons aussi des preuves dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous montrent que la science se divise en deux catégories. La science qui est profitable et la science qui n'est pas profitable. Parmi ces preuves, il y a le hadith de Jabir qui est rapporté par Ibn Majah et qui a été authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah rahmatan wasi'a. Le prophète disait selon le sens « Ô Allah, je te demande une science profitable et je cherche refuge auprès de toi d'une science non profitable. » Et donc ceci est une preuve claire qui nous montre qu'il y a la science profitable et la science qui n'est pas profitable. Et les savants nous mentionnent un point très important. Et ils nous disent que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala fait l'éloge de la science, ce qui est voulu, c'est la science légiférée. C'est-à-dire, c'est la science du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, prenons le verset qu'on a mentionné précédemment. Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Qui sont ces savants? Ces savants sont les savants de la législation, les savants du Coran et les savants de la Sunna. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Mujadila, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Il dit, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah a élevé ceux qui ont cru parmi vous, walladhina utul ilma darajat, et ceux à qui on a donné la science. Qui sont ces gens-là? Ceux à qui on a donné la science du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, l'auteur, il dit, la première est la science, qui est la connaissance d'Allah, la connaissance de son prophète et la connaissance de la religion de l'islam avec les preuves. Lorsque l'auteur il dit la connaissance d'Allah, la question qu'on peut se poser ici, Ikhwan fillah, c'est comment peut-on connaître Allah subhanahu wa ta'ala? Et la réponse à cette question, c'est qu'on peut connaître Allah subhanahu wa ta'ala de plusieurs manières. La première, en lisant le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala parle de lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle d'Allah dans sa sunna. Donc en lisant le Coran et en méditant sur le Coran et aussi en lisant les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous allons apprendre à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième manière de connaître Allah subhanahu wa ta'ala, c'est en regardant et méditant sur sa création, telle que la lune, telle que le ciel, les étoiles. Car celui qui médite sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, il apprendra à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que dans de nombreux versets, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à ses créatures de méditer sur sa création. Car celui qui médite sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala va se rendre compte à quel point Allah est parfait et à quel point Allah est immense. Prenons l'exemple du ciel. Lorsque tu vois que le ciel ne possède aucun défaut et qu'il est immense, ceci t'indique très clairement qu'Allah est parfait et qu'Allah subhanahu wa ta'ala est immense. Et donc, en méditant sur sa création, la personne pourra apprendre à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur il dit la connaissance de son prophète. Et il est donc impératif pour les musulmans de connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on apprend à connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lisant sa biographie. Et plus le musulman apprendra à connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et plus son amour pour lui augmentera, plus son amour envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam augmentera. Ensuite, l'auteur il dit et la connaissance de la religion de l'islam avec les preuves. Et concernant les preuves sont la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et la parole de son prophète. Et ici, il y a une question qui nous vient à l'esprit. Lorsque nous disons les preuves sont la parole d'Allah et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la question qui nous vient à l'esprit est-ce que les paroles des savants sont une preuve? Est-ce que les paroles des savants sont une preuve? Et l'éminent savant, Al-Sheikh Salih Al-Fawzan, il répond à cette question dans son explication des trois fondements. Et il nous dit que la parole des savants vient expliquer la parole d'Allah et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il peut y avoir certaines erreurs. Et donc, les paroles des savants ne sont pas une preuve en soi. Donc les paroles des savants, la simple parole d'un savant, n'est pas une preuve en soi. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui, incha'Allah, et on continuera l'explication de cette introduction la semaine prochaine, incha'Allah ta'ala. Naam.